Yeah. C'est l'histoire d'une amitié avec une vie affrontée. Nos cœurs sont sous dos, comme prise de tête à un côté. Plutôt des délires, n'a jamais finir. Tu remontes mon moral avec ton sourire. J'aimerais t'appeler ma sœur ou mon cœur quand tu es la larme de mes pleurs. Ce texte est l'écrit de mes émotions. Suffit-il d'un simple je t'aime pour te montrer que je perds la raison? Laisse-moi t'envoyer ce mot qui vient du cœur. Tu m'apportes tant de douceur et tant de bonheur. S'il te plaît, ne tourne pas les yeux, mon corps ne part que pour une motion sur le cerf quand j'entends ta voix. Je m'écoute quand tu poses la main sur moi, ma sœur. Ma sœur, tu présentes dans ma vie, car pour moi tu es formée ma meilleure amie. Une année nous a suffi pour bâtir tant de délires et tant de courir. SM une scène qui nous a rapprochés, ou simplement le destin qui l'a décidé. Moi je ne vois que du bonheur dans cette histoire, pas besoin de forcer pour le voir. Mais juste de la vie pour y croire. Magali, encore quelques phrases à se confier, et bientôt on sera mis pour l'éternité. Je suis content de te connaître. Sans toi ma vie n'aurait pas besoin de l'être. Sans toi mon cœur n'aurait pas besoin de battre. Magali, c'est l'exemple de la vraie vie. Le sourire, la bonne humeur, laisse-moi t'appeler ma sœur. Notre amitié si simple que ça. Si tu vas mal, sache que je suis là. J'écris ce que je pense sur un bout de papier, car je me retiens plus, laisse-moi m'exprimer. Il y a tant d'éclats de rire qui nagent dans nos souvenirs. La troisième nuit, c'est une pièce du puzzle de ma vie, car c'est là que je t'ai rencontré, Magali. Maintenant, c'est toi qui m'as donné rassemblé. Je ne veux pas perdre la pièce maîtresse. Tu règnes mon esprit, toi qui en es la princesse. Veillez sur toi, je m'en suis fait la promesse. Souviens-toi en français quand je me suis assis à tes côtés. La première parole tu m'as adressée, c'est toi qui as posé cette grande amitié. Nous qualifierais-je comme inséparables, car notre amitié est indiscutable. Nous sommes frères et sœurs de cœur, quand tu vois de mes yeux, mon cœur est noyé par mes larmes. Reviens, je suis si malheureux, reste auprès de moi, accepte quelques fleurs. Je voudrais raconter le bien que tu m'apportes, mais je ne sais pas par où commencer. J'aime la façon dont tu te comportes, il y a tant de belles choses à dévoiler. Tu es la seule qui loue toutes mes souffrances, tu es le pilier de mon adolescence. Magali, tu es l'exemple de la vraie vie, le sourire, la bonne humeur, laisse-moi t'appeler ma sœur. Notre amitié si simple que ça, si tu vois ma sache que je suis là. J'écris ce que je pense sur un bout de papier, car je me retiens plus lorsqu'on m'exprimer. Il y a tant d'éclats de rire qui tâchent dans le souvenir. Magali, tu es l'exemple de la vraie vie, le sourire, la bonne humeur, laisse-moi t'appeler ma sœur. Notre amitié si saine que ça, si tu as ma sache que je suis là. J'écris ce que je pense sur un bout de papier, car je m'en tiens plus pour m'exprimer. Il y a tant d'éclats de rire qui nagent dans mon souvenir. Magali.